dis-moi, je vais un peu m'allonger, hein. Ouais. 5 minutes, tranquille. Alors, bon, s'il te plaît, tu es sympa, hein, tu mets pas la musique trop fort. Hein. Ouais, ouais, voilà, comme ça, ouais, les gars. Je vais m'assoupir. Non, non, non, non, je vais pas dormir vraiment, non, non, non, non, juste m'assoupir, quoi. Comment ça, j'en ai pas 3 heures, mais non, j'en ai pas 3 heures, 10 minutes, tout au plus, voilà. Ouais. Ça quoi? Non, ça n'a rien à voir avec le pastis. Non, non, ok. Même pas avec le rosé, non. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais quel rosé? Mais non, mais non. Mais non, par contre, on a peut-être un peu forcé sur les herbes de Provence. Là, je sais pas si on n'a pas chargé un peu, là, tu vois. Enfin, bon. Toujours est-il que je vais faire la sieste. Et que je voudrais bien faire la sieste.